Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal d'Henri de Lesquin, assisté de Catherine. Cette émission est diffusée en direct le lundi 25 juillet 2011 de 18h à 21h. En différé le mardi 26 juillet dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Elle est réalisée par Jean-Edouard. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 et par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Merci Catherine, merci Jean-Edouard. Effectivement, chers amis auditeurs, vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, comme vient de vous le rappeler Catherine. Une radio qui n'a pas d'équivalent en France et sans doute dans le monde, qui est financée entièrement par ses auditeurs et qui est totalement libre. Donc on ne peut pas entendre toujours des propos qu'on accepte ou qu'on apprécie, mais la plupart du temps, quand on a l'esprit libre, c'est quand même le cas. Et c'est la seule radio qui soit totalement libre, qui puisse tenir des propos impertinents, mais qui ne s'oblige pas à tenir des propos impertinents et qui parfois dit la même chose que les autres quand il faut. Nous allons, dans ce libre journal, tout à l'heure, dans la seconde partie, nous parlerons de l'actualité politique, ce sera le rendez-vous politique de la réinformation. Mais dans l'immédiat, nous allons aborder un sujet explosif. Vous avez compris que je voulais parler du nucléaire, avec un esprit douteux, cher Jean-Michel Lebelouve. Car le nucléaire, c'est le nucléaire civil, mais c'est aussi le nucléaire militaire. Et vous savez que, par décision du président américain Harry Truman, le 6 août 1945, à Hiroshima, des dizaines et des dizaines de milliers de femmes, d'enfants et de vieillards japonais ont été massacrés pour servir les buts de guerre des États-Unis d'Amérique. Que le 9 août, trois jours après, des dizaines de milliers d'autres Japonais, hommes, femmes, enfants, vieillards, ont été exterminés par une autre bombe atomique. Donc le nucléaire est rentré dans l'actualité mondiale de la manière la plus dramatique qui soit. Heureusement, le nucléaire, c'est aussi le nucléaire civil. Et j'ai donc invité deux personnes qui, sans être des spécialistes du nucléaire, ont réfléchi à la question, enfin la question du nucléaire et de l'énergie en général, qui sont Jean-Michel Bellouve. Jean-Michel Bellouve, qui est plus connu des auditeurs de Radio Courtoisie comme le grand pourfendeur du climatiquement correct, mais ce n'est pas exactement le sujet d'aujourd'hui, bien que le nucléaire ne soit pas sans rapport, évidemment, et nous y reviendrons avec cette question des émissions de gaz carbonique. Et puis le professeur Christian Vosges, qui est un scientifique, un éminent scientifique, et qui a donc réfléchi aux questions d'énergie, qui est d'ailleurs spécialiste des questions d'énergie, et qui, à ce titre, évidemment, a quelque chose à dire sur le nucléaire, et qui a aussi un engagement politique, puisqu'il est directeur des études du RPF, le Rassemblement pour la France. Et c'est pourquoi j'ai invité aussi Nicolas Stocker, S-T-O-Q-U-E-R. Absolument. Président du RPF, qui restera d'ailleurs avec nous les trois heures, puisqu'il parlera aussi des questions politiques, d'actualité politique de la seconde partie. Et nous avons été rejoints aussi par notre ami Pierre Lorrain. Pierre Lorrain qui a beaucoup étudié la Russie, l'histoire de la Russie, dont il est un grand spécialiste, qui est journaliste et écrivain, et journaliste notamment au Spectacle du Monde, et qui a contribué au dossier que le Spectacle du Monde, en juin, c'est bien ça, c'était en juin dernier, hein. Je ne suis pas sûr que ce soit encore dans les casques à journaux, mais en tout cas c'était en juin 2011. Donc le Spectacle du Monde, cette excellente revue dirigée par Eric Branca, a consacré un dossier au nucléaire, un pari français. Bon. Alors la question posée, c'est faut-il sortir du nucléaire? Je ne suis pas absolument certain que nous puissions répondre définitivement à la question. Je suis même certain qu'il ne faut pas répondre définitivement à la question, mais qu'il faut se poser les bonnes questions pour progresser dans la réponse. Et j'aimerais pour commencer peut-être que Jean-Michel Bellouve nous parle des conclusions qui sont les siennes à ce stade, puisqu'il a écrit « Nucléaire civil, le rebond !» aux éditions Libermédia, ça vient d'être publié, et c'est avec une préface d'Henri Lepage, et nous reviendrons d'ailleurs sur cette préface, parce qu'Henri Lepage, qui est un économiste libéral et même ultra-libéral bien connu, explique dans sa préface à votre ouvrage de manière paradoxale qu'en fait, il ne fallait pas faire le nucléaire, parce que le nucléaire, en régime libéral, n'aurait jamais pu être réalisé. Alors nous y reviendrons peut-être tout à l'heure, mais pour l'instant, je voudrais que vous résumiez votre approche de la question que je vous ai posée, nucléaire civil, faut-il sortir du nucléaire civil en France ? Et puis nous parlons immédiatement après des grandes questions de sûreté ou de sécurité nucléaire, en commençant par le commencement, c'est-à-dire sans doute la catastrophe de Tchernobyl, qui est la première grande catastrophe en 1986, en Ukraine, en URSS à l'époque, et nous nous interrogerons sur ces questions de sûreté nucléaire, puisque évidemment c'est la catastrophe de Fukushima qui a mis au premier plan de l'actualité avec son raz-de-marée. En français, on ne dit pas, en bon français, on ne doit pas dire tsunami qui est un mot japonais anglicisé, on dit raz-de-marée. Je vous signale. Hein. Et donc avec ce raz-de-marée et la catastrophe qui en a suivi à Fukushima. Donc voilà l'ordre du jour que je vous propose pour commencer. Ensuite avec le professeur Vauge, nous pourrons élargir le sujet pour nous intéresser aux solutions de remplacement. Puisque c'est la question de la compétitivité. Il ne faut pas dogmatiser. Est-ce que le nucléaire, en matière de coût de production d'électricité, en matière d'indépendance énergétique, est la meilleure solution ? Dans quelle mesure ? Voilà. Alors commençons par Jean-Michel Belloux, par expliquez-nous pourquoi vous avez fait ce livre, alors, en dehors de l'actualité évidemment, et quelles sont les conclusions que vous arrivez ? Alors l'idée de ce livre datait de quelques jours avant qu'arrive Fukushima, hein, puisque j'avais écrit un article sur le pétrole, le gaz, sur la problématique du pétrole et du gaz naturel, qui avait été remarqué par des dirigeants d'EDF. Et ces dirigeants d'EDF ont contacté l'Institut Turgot, dans lequel j'avais publié cet article, pour dire, mais ce serait bien que ce monsieur Belouv fasse... On a aimé cet article, on aimerait bien que monsieur Belouv fasse un article équivalent pour le nucléaire. Et donc Henri Lepage, le président de Turgot, qui est un ami, m'a dit « Écoutez Jean-Michel, ça me donne une idée. Nous avions autrefois chez Turgot une collection de livres qui s'appelait Collection Institut Turgot, que j'ai envie de reprendre. Et il y a peut-être là un bon sujet pour vous. » Bon, il faut l'éditeur voir. De votre livre s'appelle Libermédia. C'est Nucléaire Civil, le rebond par Jean-Michel Belloux. Voilà. C'est Libermédia. Alors, Libermédia, c'est l'éditeur. Hein, c'est mon entreprise. Hein, je suis propriétaire de Libermédia. Et Institut Turgot, donc, c'est une fondation. C'est un fonds de dotation. Donc vous êtes votre propre éditeur. C'est genre le principe qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Oui, et puis on n'est jamais si libre que lorsqu'on est son propre éditeur. Vous savez que la liberté individuelle, pour moi et pour nous les libéraux, c'est sacré. Et nous n'aimons pas beaucoup les contraintes. Bien, donc je reprends le fil. Donc Henri Lepage me dit, si on faisait quelque chose sur le nucléaire. Bon, je dis, oui, il faut voir, j'étais en train de faire autre chose, je vais réfléchir. Et puis arrive Fukushima. Et là, bon, on dit, bien sûr, on fonce. Et Lepage dit, mais... Ce qu'il faudrait, ce qui serait bien, c'est de faire un livre concis, mais un dossier pour présenter tous les éléments de décision. Parce que, sous le coup de l'émotion, on voit des dirigeants politiques, et il y avait Angela Merkel qui prenait ses décisions curieusement précipitées. Les politiques sont capables de faire des bêtises par manque d'informations et par excès de... Pensez que les politiques sont capables de faire des bêtises ? Ça peut arriver, oui. Vous apprenez beaucoup aux auditeurs de Radio Courtoisie. On en voit quelques bonnes dans Nucléaire. Vous savez que quand j'entends une remarque aussi ingénue que celle-ci, j'ai envie de rappeler la phrase d'Oxenstiern. Oxenstiern, c'était le grand ministre de la reine Christine en Suède, vous savez, autrefois. Et alors, il avait une phrase, il a eu plusieurs phrases extraordinaires, dont l'une... qui a été reprise par le cardinal de Rais et ensuite par Mitterrand, c'est « En politique, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens ». Mais Oxenstiern avait aussi dit Si les peuples savaient comment ils sont gouvernés, ils seraient effarés. Alors, c'était dit en suédois, donc je traduis approximativement. Mais je crois, vous remarquez, quand on voit notre président Sarkozy qui trépigne et qui s'agite, on se dit effectivement qu'on ne doit pas être très bien gouverné. Bien, écoutez, je pense que ceux qui lisent Nucléaire Civil Le Rebond auront peut-être des surprises sur la manière dont les questions d'énergie sont traitées par les personnages les plus grands de ce pays. Bon, mais je reprends le fil. Donc, les plus grands, on va dire les plus hauts placés. Hein. Les plus hauts placés, oui. Ils sont sur un piédestal, n'est-ce pas ? Bien, allez, pas de polémique. Bon. Il m'a dit, il faut faire un livre que nous, Institut Turgot, nous allons distribuer gratuitement à des décideurs. Voilà. Et donc, ça a été tout de suite... Il vaut quand même 14,68 €. Hein. Oui, d'accord. Alors, donc, je ne sais pas pourquoi vous avez une telle précision dans les prix. Parce que quand on fait 5% de remise, ça fait 13,95 € et que c'est un prix psychologique. C'est tout. On est obligé aussi de tenir compte de ces considérations. L'Institut Turgot a distribué 500 de ses ouvrages à des élus nationaux, à des décideurs, à des gens des médias. Hein, et Libermédia diffuse ce livre auprès du public. Voilà donc le marché qui a été passé avec Institut Turgot, que je remercie au passage, parce que sans lui, il m'aurait été difficile de... Très bien. Alors, Alors, quel est le problème ? Si on se reporte avant Fukushima, les gens qui se posaient la question de la sortie du nucléaire en France étaient vraiment une minorité, parce que ce pays... Et en très grande majorité, sa population est en très grande majorité fière de ce que nous avons fait dans le domaine du nucléaire. Et apprécie fortement, par exemple, de payer l'électricité la moins chère d'Europe. Jean-Michel Bellouf, rappelez le rang de la France en matière nucléaire. Avant de parler des problèmes que pose le nucléaire, rappelez la position. Eh bien, écoutez. Expliquez que nous avons EDF, Areva, etc. Et la position mondiale que nous avons dans ce domaine. On peut dire. Bon, au point de vue du nombre des réacteurs, nous sommes numéro 2 dans le monde derrière les États-Unis, avec 58 réacteurs et loin devant les autres. Mais nous sommes au même niveau, sinon meilleur que les États-Unis sur le plan scientifique. À mon avis, hein, c'est un avis qui m'a été donné sur ce point, monsieur le professeur Vauge, je voudrais intervenir. Donc je rappelle que le professeur Christian Vauge est professeur des universités, professeur honoraire d'énergétique à Paris 12. Et donc, je vous interroge au passage, avant de rendre la parole à Jean-Michel Bellouf, sur cette question du niveau scientifique de la France. Je voulais simplement compléter le diagnostic de notre ami sur la position de la France. Oui, je confirme tout à fait. Mais je veux dire aussi que cette qualité s'étend jusqu'au niveau du traitement, du retraitement des déchets. Donc, parce que fabriquer des réacteurs, c'est une chose. Ensuite, éliminer les produits de cette industrie en est une autre. Et on peut dire que la France maîtrise la filière complète depuis le début jusqu'à la fin. Depuis la mine d'uranium jusqu'au retraitement des déchets. Voilà, nous savons tout faire. En ce sens, ça lui donne une certaine avance sur les États-Unis, qui a des laboratoires, bien évidemment. Enfin, je n'irai pas jusqu'à rappeler que la radioactivité et son exploitation est une invention française. Becquerel, 19e siècle. Voilà. Et la réaction en chaîne a été découverte par Joliot. Donc la France a des titres éminents en la matière. Absolument. Et qu'elle fait valoir sur le plan industriel. Et puis vous avez EDF est le numéro 1 mondial de l'électricité. Et EDF fabrique 90% de son électricité dans des centrales nucléaires. Alors, monsieur Nicolas Stocker, avant de rendre la parole à Jean-Michel Bellouf, qui était en train de développer les atouts de la France, dites-nous un mot sur vous, comme souverainiste ou nationaliste, vous ressentez ces atouts de la France en matière nucléaire. Écoutez, je rappelle que vous êtes président du RPF, qui veut dire le Rassemblement pour la France. Voilà, le Rassemblement pour la France est un mouvement gaulliste. Et il est évidemment, au jour d'aujourd'hui, très proche des thèses souverainistes défendues par l'ensemble de nos amis. Bon, le nucléaire... Enfin, nos amis, pas de nos amis libéraux comme Henri Lepage, vous signale. Enfin, en tout cas, oui. Par certains de nos amis. Il semblerait que là, chez les souverainistes tout du moins, je pense que nous sommes sur des positions qui sont extrêmement similaires, en tout cas dans le dossier nucléaire. C'est-à-dire l'idée d'indépendance nationale est au cœur du dispositif politique. Merci, mais Nicolas Stocker. Donc, Jean-Michel Belloux, alors vous étiez en train de décrire la qualité, les atouts de la France en matière nucléaire. Oui, la France a un patrimoine considérable, un patrimoine scientifique, un patrimoine technologique et industriel remarquable. Hein. Nous avons toutes les industries, tous les savoir-faire en matière nucléaire, nous les possédons, nous avons des installations. Nous avons une ressource humaine qui est remarquable dans le nucléaire. Plus de 100 000 personnes qui travaillent et qui sont hautement qualifiées et qui assument des responsabilités qui sont lourdes. Nous avons gagné notre indépendance énergétique en ce qui concerne l'électricité. 80% à peu près de l'électricité française est produite par les centrales nucléaires. Absolument, absolument. Et c'est grâce à cela que jusqu'à présent, nous payons l'électricité moins cher que les autres. Et 10% par l'hydraulique, ce qui fait que nous sommes indépendants. Nous produisons beaucoup plus, nettement plus d'électricité que nos besoins nationaux l'exigent. Donc nous vendons, nous exportons. Enfin, bref, nous avons vraiment un outil remarquable. Alors, quand on nous dit qu'il faut sortir du nucléaire, je demande à ce qu'on me donne des arguments massus. Et qu'on réfléchisse avant de le faire. Je ne les ai pas encore trouvés. Alors je me tourne vers Pierre Lorrain, parce que Pierre Lorrain, vous avez consacré un article dans le numéro de juin 2011 du Spectacle du Monde à la catastrophe de Tchernobyl, qui est la première des trois grandes catastrophes du nucléaire, puisque nous avons eu Tchernobyl, nous avons eu aux États-Unis Three Mile Island. Et c'était avant, autant pour moi. Autant pour moi. Donc il y a eu. Alors parlez bien près du micro et fort. Three Mile Island, Tchernobyl et maintenant Fukushima. Alors, Tchernobyl, est-ce que la catastrophe aurait pu se produire en France ou est-ce que c'est la désorganisation soviétique qui explique l'ampleur de la catastrophe de Tchernobyl ? Eh bien, la catastrophe aurait pu se produire en France si la France était dotée de réacteurs nucléaires de type soviétique et si on avait eu un gouvernement communiste. C'est très clair que ça aurait pu se produire. Pourquoi ? Parce que, en fait, la catastrophe de Tchernobyl est une résultante du productivisme ambiant, du culte du plan. Dépasser le plan était la norme en Union soviétique et dans tous les domaines. C'est-à-dire que même les écrivains devaient dépasser le plan de production. C'était... De ces petits détails amusants qui faisaient que l'Union soviétique était l'endroit le plus dramatique, certainement, de la planète à une époque, mais également l'un des endroits où l'on riait le plus à cause des histoires drôles qui étaient générées par le système. Et le problème de Tchernobyl, c'est qu'il y avait des pénuries énormes d'énergie électrique, que ce soit hydraulique, thermique ou nucléaire, et qu'il fallait mettre les installations au bout de leurs limites, de manière à produire de l'énergie. Et il est venu à l'idée d'un certain nombre d'ingénieurs qu'on pouvait peut-être, sous certaines conditions, redémarrer les réacteurs nucléaires en situation de perte de puissance en procédant à une manipulation qui était dangereuse, mais qu'il fallait tester. Et donc, elle a été testée à Tchernobyl. Elle a été testée sans autorisation. Elle a été testée dans des conditions qui étaient à la limite du raisonnable, puisque la plupart des opérateurs ne voulaient pas tenter l'expérience. Et elle a été tentée dans une atmosphère politique qui était celle de la pression politique pour que le rendement des centrales augmente et augmente sans cesse de manière à pallier au problème de manque d'électricité en hiver. Et le cumul de ces facteurs a fait que quelqu'un a appuyé sur le mauvais bouton au mauvais moment et a lancé une démarche incontrôlable qui s'est traduite par l'explosion chimique, non pas nucléaire évidemment, mais l'explosion chimique de l'usine, puisqu'il n'y avait pas d'enceinte de confinement. C'est-à-dire que le toit de la centrale a explosé, s'est volatilisé, laissant le réacteur à l'air, ce qui ne peut pas se produire dans des centrales comme celle de Fukushima, qui ont des enceintes de confinement solides. Alors Pierre Lorrain, vous écrivez ceci dans Spectacle du Monde, dans le Spectacle du Monde. La catastrophe débuta très précisément le 26 avril 1986 à 1h23 et 4 secondes du matin. Et vous finissez par dire à 1h24, tout était fini. Une catastrophe sans précédent venait de se produire. Voilà. L'ingénieur, le chef d'équipe de nuit, Alexandre Akimov, presse le bouton AZ5 d'arrêt d'urgence, mais il est déjà trop tard. Au lieu de baisser en puissance, le réacteur s'emballe. Donc il y a eu une manœuvre erronée. Et une manœuvre risquée. Une manœuvre risquée. Mais le problème est le suivant, c'est que à partir du moment où il y a des hommes dans les centrales nucléaires, tout n'est pas automatique. Donc une erreur humaine est susceptible d'entraîner une catastrophe d'ampleur majeure. Non, mais il n'y a pas eu d'erreur humaine. Il y a eu une erreur de décision au plus haut niveau. Une erreur... Donc une erreur humaine. Ce n'est pas l'erreur de l'opérateur. L'opérateur ce n'est pas une maladresse. Ouais. Non, ce n'est pas une maladresse. Une volonté d'essayer quelque chose qui n'aurait pas dû s'essayer. Il savait très bien ce qui pouvait se produire. Mais il pensait que ça ne se produirait pas. Simplement, les circonstances ont fait que la baisse de puissance du réacteur a été trop rapide... qu'il y a eu un empoisonnement du réacteur, c'est-à-dire que les neutrons étaient captés par un gaz inerte qui a été produit par la réaction. Et à partir de ce moment, il était difficile de redémarrer, de relancer la puissance du réacteur qui aurait permis d'éviter la catastrophe. Or, la catastrophe s'est produite parce que c'est un accumulement de... C'est une accumulation de petites choses qui ont produit cette catastrophe. Mais à l'origine, c'est la décision du système et l'impréparation. Alors que s'est-il passé ensuite ? Ensuite, eh bien, ça a été 1,9 milliard de becquerels dégagés dans l'atmosphère. Les auditeurs de Radio Courtoisie comme moi ne savent pas très bien ce que représente un becquerel. Hein. Eh bien, un becquerel, c'est la désintégration, c'est une désintégration atomique par seconde. D'accord, mais comment situer cette quantité par rapport aux quantités quelle est la quantité de becquerel que nous recevons lorsque nous subissons une radio dans un laboratoire médical? Écoutez, lorsque vous mangez une banane, vous mangez 100 becquerel. Sans becquerel, en mangeant une banane. Alors, la banane est dangereuse, alors. Oui, et la pomme de terre aussi. Et la noix du Brésil, encore plus. Ces aliments contiennent du potassium 40, qui est radioactif. Une banane contient 0,017% de potassium 40. Et donc, les doses dont vous parlez pour Tchernobyl étaient telles qu'elles devenaient dangereuses. Largement dangereuses. Sur place, c'était épouvantable. Ça a été les doses qui ont été prises. Combien de morts ? Il n'y en a pas eu tellement. Il y a eu 30 morts, à peu près. 30 morts. Sur place, à ce moment-là. 30 morts dénombrés. Et ensuite, il y a eu une vingtaine par la suite des conséquences, mais c'était exclusivement ce que l'on appelait les liquidateurs. Alors, les liquidateurs, ce ne sont pas des gens qui vont liquider les centrales nucléaires. C'était en Union soviétique, des gens qui étaient chargés de résoudre les problèmes. Lorsqu'il y avait un problème, politique, industriel ou autre, on créait une équipe de liquidateurs. Et là, les liquidateurs, c'était des gens qui ont été envoyés pour essayer d'éviter la radioactivité de s'échapper du cœur en essayant de mettre du sable, en essayant de bloquer les émissions radioactives, ce qui était absolument impossible. Mais surtout, au départ, ceux qui sont morts, ce sont les pompiers qui ont été envoyés sans aucune protection pour éteindre l'incendie. Et c'est là qu'il y a eu le maximum de victimes, c'est-à-dire, en gros, les 30 qui sont décédés au départ. Et ils ont pris, en quelques heures, des doses mortelles. Au bout de quelques jours, ils n'avaient plus de peau, ils n'avaient plus d'organes et ils mouraient. Nous sommes en train de d'évoquer les catastrophes nucléaires qui ont eu lieu dans l'histoire, avec Three Mile Island aux États-Unis en 1979, Tchernobyl en Ukraine, ex-URSS en 1986, et Fukushima au Japon en 2011. Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Répondre plus généralement, ou plus précisément plutôt, à la question « La France doit-elle sortir du nucléaire ?», j'ai invité donc Jean-Michel Bellouve, journaliste, écrivain, Pierre Lorrain, que vous venez d'entendre, journaliste, notamment au Spectacle du Monde, Nicolas Stocker, président du RPF, et le professeur Christian Vauge, directeur des études du RPF. Et professeur Christian Vauge, quel est, selon vous, l'enseignement que l'on peut tirer de la catastrophe de Tchernobyl qui a donc eu lieu en 1986? Eh bien, pour les spécialistes, ce n'est pas une catastrophe nucléaire, c'est une catastrophe soviétique. Comme l'a dit l'intervenant précédent, c'est une suite d'erreurs enfin, commises dans un cadre extra-scientifique qui a conduit à cette catastrophe. Alors, je voudrais, si vous le permettez, revenir sur votre propos introductif à notre débat. Vous avez commencé en évoquant la décision du président Truman de doter les États-Unis de l'arme nucléaire. Ah non, j'ai parlé de l'utilisation qu'il en a faite. L'utilisation qu'il en a faite. Que je considère comme un crime contre l'humanité sans comparaison. Absolument. Mais ce simple mot de nucléaire, d'atomique, comme on disait à l'époque, a induit, avec les effets terrifiants des bombes d'Hiroshima et de Nagasaki, dans l'inconscient populaire, l'idée qu'une centrale nucléaire, ça pouvait être quelque chose d'aussi dangereux que des mégatonnes qu'on s'est acharné à expérimenter pendant toutes les années 60 et 70. Là, je voudrais quand même remettre les choses sur un plan un peu plus rigoureux. En ce sens, une centrale électronucléaire, c'est l'équivalent d'une grosse cocotte minute, hein, où l'on fait bouillir de l'eau sous pression. Cette eau sous pression donne de la vapeur. La vapeur se détend, on fait tourner un alternateur, on fait de l'électricité. Hein. Mais toute mise à part, une cocotte minute, chacun sait, absolument. Ça explose. Hein, absolument. Et c'est les ménagères quand étaient défigurées par l'explosion d'une cocotte minute, alors c'est toute proportion gardée. Et c'est là que j'en viens. Sur l'intervenant précédent qui disait justement que la catastrophe de Tchernobyl était une catastrophe chimique, physique, d'explosion et non pas de nucléaire. Parce que l'explosion d'une bombe atomique, c'est du nucléaire. L'explosion de la centrale, y compris de Tchernobyl et des autres, c'est une catastrophe physique et chimique. Alors pourquoi chimique? Parce que dans les fractions d'une enceinte, du bâtiment, de tout ce que l'on voudra dans un tel événement, sont relarguées dans l'atmosphère des quantités considérables d'éléments chimiques qui, à la différence des éléments chimiques ordinaires qui meurent sur le coup, les éléments radioactifs ont une certaine durée de vie. Certains ont une vie très courte, on attend qu'ils se calment et le problème est résolu. D'autres, en revanche, ont des vies beaucoup plus longues et ont le mauvais goût de s'insérer dans les chaînes du vivant. Et c'est bien ce qui fait la différence de la question nucléaire et de ses conséquences par rapport à toutes les inventions technologiques qui ont pu précéder. On a eu de tout temps, toutes les fois qu'une technologie nouvelle s'est mise en place, des catastrophes. Mais question élémentaire. Dans certaines circonstances, éventuellement, en cas d'agression militaire ou terroriste, une centrale nucléaire peut-elle se transformer en bombe atomique ? Il faudrait qu'un certain nombre, un grand nombre de barrières aient été franchies, parce que le problème pour faire une bombe atomique, c'est de rassembler en un instant très court une quantité suffisante d'un matériau qui soit capable de ressentir en son sein une réaction en chaîne. Or, dans une centrale productrice d'énergie, tout est mis en œuvre pour freiner cette réaction et à la moindre tentative d'emballement, lorsque tout fonctionne bien, les barres de contrôle tombent, la réaction s'éteint et on n'a plus qu'à laisser refroidir le cœur du réacteur, mais refroidir de sa chaleur, non pas de cette réactivité. Oui, mais alors, ça, professeur Vauge, vous ne répondez pas vraiment à la question. Je me rappelle la réponse qu'avait faite au moment de Tchernobyl, je crois. Non, pardon, au moment du 11 septembre 2001. Mmh. Un ingénieur des mines, certainement, enfin, un éminent ingénieur, à une question qui lui était posée, on lui a demandé « Avez-vous étudié l'hypothèse où un Boeing 747 s'écraserait sur une centrale nucléaire ?» Et il a fait la réponse que je trouve la plus stupide qu'on puisse imaginer, qui mériterait de figurer au guide Guinness des records des réponses stupides. Il a dit non, parce que c'était statistiquement non significatif. Donc Ben Laden était statistiquement non significatif. Donc la question qu'il faut se poser, c'est celle d'une intervention extérieure, malveillante. Non seulement éventuellement d'un terroriste, quelqu'un qui est à son compte, mais d'un État étranger, c'est-à-dire en période de tension ou de guerre. Bon. Est-ce qu'il y a, dans des circonstances de ce genre, on peut imaginer qu'une centrale nucléaire civile se transforme en bombe atomique et explose comme une bombe atomique? C'est la question purement scientifique que je vous pose, non, professeur Rauge. Comme je vous le disais, ma réponse est catégoriquement non. En revanche, ce qui peut se produire dans le cas d'une effraction majeure, comme celle que vous évoquez, d'un avion qui tombe sur la centrale, d'une charge d'explosifs, etc., ce sera la dispersion de quantités énormes de matériaux radioactifs dans l'environnement, proche tout d'abord, lointain ensuite et à long terme. Alors c'est ce qu'on a eu, Tchernobyl, Pierre-Laurent. Oui, effectivement. Le bilan global, c'est sur l'instant 30 morts, ensuite une vingtaine d'autres des conséquences immédiates. Et par la radioactivité, eh bien, on ne sait pas. Là, l'estimation de l'OMS est à peu près de 4000 morts. Mais on ne sait pas... C'est l'OMS, le même organisme qui nous a expliqué que la grippe H1N1 allait créer des dizaines de millions de morts. Là, je dois dire qu'on peut se poser des questions sur sa capacité d'analyse. Oui, mais en dehors des morts qu'on peut dénombrer, c'est-à-dire les 30 morts de Tchernobyl... Et le seul mort de Fukushima, au cours d'une explosion d'hydrogène, un seul. Les autres morts ne sont pas des morts dénombrables, ce sont des morts calculées. Ce sont des morts qui sont calculées par des modèles informatiques. Et bon, ce sont des gens qui sont censés mourir des suites de l'exposition aux substances radioactives, de cancer généralement. 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans après. Vous devriez vous faire recruter par l'industrie du tabac, parce que c'est exactement ce que disent les gens. Mais quand on a un cancer du poumon, malheureusement, mais nous, c'est souvent nous du tabac. Nous avons des experts ici, ils peuvent me contredire. Ce sont des morts calculées. Je n'ai pas inventé ce terme-là, hein. Cela m'a été expliqué en long et en large comme mon enquête. Ce que je veux dire, c'est que ça a l'air de dire que ce sont des morts imaginaires. Non. Ce ne sont pas des morts imaginaires, ce sont des gens qui meurent réellement. Mais non, oui, c'est une statistique. C'est un calcul. Et il y a certainement des gens qui meurent, mais on ne sait pas qui meurt de ça. D'autre part, on ne sait pas quand quelqu'un meurt du cancer du poumon, si c'est parce qu'il a été exposé un jour de sa vie à une forte dose de radioactivité, ou s'il a trop fumé, ou s'il a manié des substances comme du benzène dans son activité. Alors voilà. Et il peut très bien se retrouver une fois mort dans les trois statistiques. Oui, bon, professeur Vosges, un commentaire un peu scientifique sur cette remarque qualitative. Au-delà des morts instantanées auxquelles nous pensons tout aussi intensément qu'aux autres, il y a les décès lointains dus à l'exposition immédiate. Ces décès lointains sont, par exemple, dus à des leucémies contractées sous la forte irradiation des éléments relâchés dans l'atmosphère. Ça peut être éventuellement des mutations pathogènes, létales, tératogènes, qui peuvent être induites par cette exposition. Alors qu'il peut y avoir des enfants qui vont naître anormaux parce que leur père ou leur mère ont été exposés. C'est tout le danger des radiations que l'on connaît depuis très longtemps, depuis le début de la radioactivité. Simplement, on l'a découvert à son corps défendant. Hein. Rappelons-nous que les premiers radiologues ne connaissaient pas les dangers de leur technique et qu'ils en sont morts, bien souvent. Madame Curie, par exemple, et tant d'autres. Et donc là, les effets de cette radioactivité, lorsqu'ils ne sont pas immédiats, peuvent être à long terme, voire à très long terme, y compris dans les générations à suivre. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut, faute de mieux, qu'évoquer des décès statistiques. On peut, par exemple, quand même, parce qu'il y a des éléments d'appréciation exacts, on peut mesurer, statistiquement bien sûr, le taux de telle ou telle pathologie, de telle ou telle leucémie, de tel ou tel cancer, que sais-je, qui arrive et son dépassement de ce taux par rapport à la moyenne nationale antérieure. Professeur Vauge, distinguons pour les auditeurs de Radio Courtoisie, il y a, en cas de catastrophe nucléaire, des gens qui meurent immédiatement. D'ailleurs, catastrophe nucléaire, civile ou militaire. Il y a des gens qui ont été tués par le feu, le tourbillon de feu provoqué par la bombe atomique d'Hiroshima. Et puis il y a les morts différées dues à l'irradiation immédiate. La catastrophe nucléaire provoque une irradiation des gens qui sont là. Bien. Et ces gens peuvent mourir rapidement si l'irradiation est très très forte ou beaucoup plus longtemps après. Et puis il y a les morts différées qui sont dues au fait qu'on a disséminé autour sur un vaste territoire une certaine radiation. Et là, sont les gens qui vont être ensuite peut-être 6 mois ou 1 an après en fonction de la durée de vie de demi-vie, c'est le terme technique, absolument, des matériaux fissiles ou radioactifs. Et qui vont être à leur tour irradiés et développer des maladies. Donc ça fait beaucoup d'incertitudes, mais des conséquences qui peuvent être très graves. Alors a-t-on fait une comparaison, Pierre Laurent, entre les suites des morts dues à la radioactivité pour Tchernobyl et ceux des morts dues à la radioactivité après Hiroshima ? Ce n'est pas comparable. C'est très difficilement comparable. Tchernobyl a... lâché dans l'atmosphère des éléments radioactifs en grosse quantité, mais il n'y a pas eu l'effet de l'explosion de la bombe. En ce qui concerne la zone irradiée autour de Tchernobyl, la zone d'exclusion de 30 km, il ne semble pas qu'il y ait eu beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, il y a des gens qui habitent dans la localité de Pripyat, où se situe la centrale, et dans la zone des 30 km, et les examens médicaux ne révèlent rien de particulièrement dramatique. La centrale, feu la centrale, elle est sous un sarcophage de béton maintenant. Non, comment la centrale était opérationnelle longtemps après l'explosion, parce que la centrale est composée de 4 tranches, plus une tranche en construction. Et c'est la tranche numéro 4 qui a été homologuée pour la production d'énergie alors que les tests n'étaient pas encore terminés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de vérification totale de la centrale avant sa mise en service, qui a eu lieu quelques mois avant l'explosion. Par ailleurs, un détail qui est digne d'être mentionné, c'est que lors de la construction des tranches, non pas seulement à Tchernobyl, mais dans toute l'Union soviétique, les ouvriers qui construisaient la centrale recevaient du matériel. Et ce matériel était systématiquement volé par les employés des tranches en fonctionnement qui manquaient de pièces détachées. C'est pour dire le niveau de délabrement du système. Un autre exemple sur le système, c'est que le sarcophage, enfin non, pas le sarcophage, mais la centrale de Balakovo, qui était construite pour un réacteur comme celui de Tchernobyl, sans enceinte de confinement. Mais c'était tout de même des sortes de grandes bâtisses en béton. Bien, une fois que la bâtisse a été terminée, on s'est rendu compte qu'il manquait 1500 trous pour faire passer des tuyaux, qu'on a été obligé de percer. Alors, vous vous rendez compte du confinement de la chose. Enfin, c'était... Nous allons maintenant donner la parole aux auditeurs. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Catherine. Un auditeur, chers amis, pouvez-vous nous parler sérieusement de Superphénix, le surgénérateur ? Alors, notez les questions et vous répondrez à la fin. Un auditeur. Est-il exact que les Russes exportent de petits surgénérateurs ? Un auditeur, je suis de droite libérale, et pourtant je trouve que défendre le nucléaire relève de la maladie mentale. Les risques écologiques et sanitaires sont démesurés par rapport aux gains. Une auditrice, on dit que sans le sacrifice des pompiers, l'Europe serait devenue inhabitable avec Tchernobyl. Un auditeur, ce sont les Français qui ont le plus de centrales nucléaires. Les centrales nucléaires exigent des dépenses financières astronomiques qui sont sans commune mesure avec la mise en œuvre d'autres sources d'énergie, comme le charbon, le gaz naturel, l'hydraulique, etc. Le nucléaire ne donne que de l'électricité, alors que les autres sources d'énergie apportent des produits et sous-produits qui peuvent intéresser les industries, le textile, le plastique. Où en est l'avantage ? Où est donc l'avantage du nucléaire ? Pouvez-vous nous l'expliquer ? Un auditeur, supprimer les centrales nucléaires, c'est remplacer les camions par des brouettes. Une auditrice, on vient de dire que les bananes possédaient de la radioactivité, est-ce bon ou mauvais ? Un auditeur, pouvez-vous nous dire si une centrale au thorium, j'espère que je le dis correctement, pourrait marcher avec beaucoup moins de risques. Alors, un auditeur, vous avez évoqué Hiroshima et Nagasaki. Ne trouvez-vous pas curieux que les Américains aient choisi comme deuxième cible Nagasaki, la ville où était rassemblée la plus grande communauté catholique du Japon, qui fut exterminée 75%. Alors, j'aimerais bien que nous répondions à ces questions des auditeurs qui sont très intéressantes, qui nous permettent d'ailleurs de progresser dans la discussion. Je ne sais pas par où il faut commencer. Nicolas Stocker, vous vouliez réagir au concept de droite libérale qui n'a pas l'air de vous plaire. Au concept de droite libérale et de maladie mentale de ceux qui... ne sont pas de droite libérale. N'est pas très libéral d'ailleurs d'accuser de maladie mentale ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Hein. Il me semble, hein, la maladie mentale. Jean-Michel Bellouve. Non, mais je laisse à cet auditeur-là la responsabilité de son affirmation. Si, évidemment. Non, mais je ne perdrai pas beaucoup de temps à commenter telles déclarations. Nicolas Stocker. Moi, j'aimerais justement revenir dessus parce que je ne suis pas un expert, contrairement aux personnes qui sont autour de cette table, sur ce sujet. Il me semble que justement, en tant que candidat, je m'informe, je m'interroge, comme on s'est beaucoup informé à l'époque de Tchernobyl. On avait raillé, je me souviens, Charles Pasqua, qui à l'époque ministre de l'Intérieur, avait décrété que le nuage nucléaire s'était arrêté aux frontières françaises. Vous remarquerez que c'était avant Schengen. Donc avant Schengen, on pouvait encore arrêter les nuages nucléaires aux frontières. Il avait longé, je crois, le canal rhodanien. Et puis, je crois qu'il avait plus ou moins atteint la chère patrie de Charles Pasqua, c'est-à-dire la Corse. Hein, c'était à peu près le seul lieu du territoire national. Et d'ailleurs, j'ai entendu des scientifiques qui disaient... qui soutenait qu'en effet, du fait de courant aérien, ce nuage n'était pas passé sur le territoire national. Bon. En tout cas, pour revenir sur l'idée de droite libérale, de coût énergétique, d'indépendance nationale, déjà je mettrai un petit bémol quand même sur l'indépendance énergétique et l'indépendance nucléaire. Je rappelle que le nucléaire, il est fait à base entre autres d'uranium et de plutonium et que la France n'est pas un pays qui extrait énormément de ces matières de son sol. Donc c'est une indépendance relative, c'est-à-dire que nous sommes en mesure... Bon, ça, c'est la première chose que je voulais dire sur le sujet. Non, mais vous pourrez réagir, évidemment, sur ce point. Ensuite, par rapport à une conception libérale des choses, l'indépendance énergétique, oui, a un coût de production qui soit raisonnable par rapport au prix du marché, ce qui fixe pour un libéral... Le coût et l'intérêt d'utiliser plutôt telle énergie que telle autre, puisque l'objectif, ce n'est pas d'utiliser du nucléaire pour utiliser du nucléaire. Il faut utiliser des énergies. Hein. En collectivité, quand on produit, il faut produire avec une énergie. Il faut une énergie dont le coût est raisonnable. Alors la question qui se pose ensuite, c'est est-ce que le prix intègre le risque ? Et le risque à court terme, à moyen terme et à long terme ? Ça, j'aimerais bien que nos spécialistes nous répondent sur cette question. On parlait de statistiquement non significatif. Alors c'est vrai que ça peut paraître totalement stupide, mais pour une assurance, c'est pas stupide. Les assurances, elles vous donnent un coût de production, elles vous font payer une assurance avec, par exemple, la notion de catastrophe du siècle. C'est-à-dire, il y a une catastrophe à 100 ans qui s'est calculée par les assurances, par des modèles mathématiques. Donc, y a-t-il asymétrie de l'information ? Est-ce que nous sommes réellement bien informés sur le risque nucléaire ? Parce que ça, c'est essentiel, parce que le coût, et pour terminer par rapport à la catastrophe de Tchernobyl, qui serait donc une catastrophe soviétique, en disant c'est le productivisme. Oui, c'est surtout le fait que l'Union soviétique parle du fait de la logique du plan, du fait d'une logique étatiste, n'a pas pris en compte et n'a pas mis cette production en relation avec le prix du marché. Mais voilà, les libéraux, et j'en suis un, posent quand même la question, y a-t-il, sommes-nous bien informés sur les risques à court, moyen et long terme ? Parce que le prix de cette énergie, qui semble en effet très faible aujourd'hui, verrait une rehausse très importante si l'on se rendait compte que le risque était plus élevé. Alors, Nicolas Stocker vient d'ajouter une question à celle des auditeurs. Elle est fondamentale. Mais j'aimerais que nous commencions par... Il a même ajouté deux questions. Nous commencions par traiter de la première, c'est-à-dire celle de l'indépendance nationale. Alors, Jean-Michel Bellou, vous évoquez la question dans votre livre « Nucléaire civil, le rebond » aux éditions Libermédia. Que répondez-vous à l'objection selon laquelle le nucléaire n'est pas un facteur d'indépendance nationale parce que l'uranium est importé ? Bon, écoutez, l'uranium est maintenant importé. Pendant longtemps, la France a produit l'uranium dont elle avait besoin. Elle a épuisé ses mines d'uranium vers 1980. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement qu'elle a épuisé les mines qui peuvent produire de l'uranium au prix du marché actuel. Si on accepte un coût plus élevé de l'uranium, nous pouvons reprendre l'exploitation de ces mines sans problème. Donc, si nous nous trouvions en situation de guerre et que nous étions obligés d'aller chercher de l'uranium sur notre sol, nous n'aurions pas beaucoup de problèmes. D'autre part, l'uranium est quelque chose qui ne prend pas beaucoup de place, qui est facile à stocker. Et je crois qu'à l'heure actuelle, notre stock stratégique correspond à 6 années de consommation. Donc vous voyez donc que par rapport au pétrole, par exemple, où on peut subir des contraintes extrêmement graves pour notre économie si par hasard il y a des problèmes de guerre, de conflit au Moyen-Orient ou d'embargo généralisé, hein, et où là, en quelques semaines, nous avons des problèmes insurmontables. Par rapport au gaz, où nous dépendons grandement de l'Union soviétique et de l'Algérie, hein, qui sont des pays qu'on ne peut pas qualifier de sûr à 100% au point de vue fournisseur. Donc, l'indépendance... Le charbon, Jean-Michel Bellouvet, le charbon. Bon, mais le charbon, il y en a en Pologne, mais le charbon est très cher à transporter. Ne mélangeons pas tous les sujets. Restons sur le nucléaire. Oui. Je crois qu'il y a un argument supplémentaire qui relie le nucléaire à l'indépendance énergétique. Dans votre livre, c'est tout simplement l'argument économique. C'est que le coût du combustible dans la production d'électricité d'origine nucléaire n'est rien par rapport au coût du combustible dans la production d'énergie électrique par d'autres sources d'énergie que sont le pétrole, le gaz naturel ou le charbon. Bien sûr. Donc là, c'est vraiment très peu de choses. Autrement dit, l'élément stratégique du coût de l'importation ou du risque de défaut d'importation est relativement marginal par rapport aux autres sources d'énergie. Donc de ce point de vue-là, je crois qu'on peut répondre à Nicolas Stocker de manière assurée que la contribution du nucléaire à l'indépendance énergétique de la France, donc à son indépendance nationale, est certaine. Je crois que le professeur Vauge est d'accord. Oui, c'est là qui me rassure. Bien sûr. Bon, alors le Pierre Laurent, vous voulez... Oui, en ce qui concerne l'indépendance, nous sommes dans une situation qui est relativement confortable par rapport à tous les pays du monde. Il n'y a aucun pays du monde qui dispose de toutes les réserves nécessaires pour faire fonctionner son industrie. La Russie pourrait éventuellement, ou l'Arabie Saoudite pourrait faire fonctionner des centrales thermiques tant qu'elle l'en voudrait. Mais la question, c'est, dans ce cas-là, l'économie russe s'effondre. Pourquoi ? Parce qu'elle dépend des ventes de pétrole et de gaz. Donc, il faut qu'ils vendent le pétrole et le gaz de manière à maintenir leur indépendance. Alors, donc, nous sommes dans une interpénétration. On parle de mondialisme en disant, mon Dieu, mais le mondialisme, ce n'est rien d'autre que le fait que les économies sont imbriquées les unes dans les autres. Attendez, excusez-moi, c'est un point de vocabulaire extrêmement important. Je ne voudrais pas vous chercher querelle, mais là, c'est très important. Ne confondez pas mondialisation et mondialisme. La mondialisation, on peut trouver excessive ou pas, mais c'est simplement le fait de l'interconnexion des économies mondiales. Non, mais attendez, c'est une question de vocabulaire. Le mondialisme, c'est une idéologie. Et en fait, c'est une partie d'une philosophie qui s'appelle le cosmopolitisme qui refuse les nations. Bon, alors ce n'est pas la même chose. Je suis d'accord avec vous. En tout cas, il faut distinguer les deux mots parce que sinon, on peut être pour la mondialisation et contre le mondialisme. Il n'y a aucun problème. Je suis entièrement d'accord avec vous sur ce point-là. La véritable question aujourd'hui en France, c'est de savoir si on peut se passer de la production nucléaire d'électricité ou non. Et par quoi on la remplace? Or, on ne peut la remplacer que par des centrales thermiques et il faut acheter du pétrole ou du gaz ou éventuellement par le gaz de schiste. Alors, le problème du gaz de schiste, c'est que c'est interdit. Merci Pierre-Laurent. Alors je reçois un message d'un auditeur de Radio Courtoisie que je ne résiste pas à l'envie de lire, tellement j'ai envie de lui répondre d'ailleurs à cet auditeur que tout ce qui est excessif est insignifiant. Voilà ce qu'il dit. Cette émission sur le nucléaire est une honte. Tchernobyl a tué des centaines de milliers de personnes. Seriez-vous capable d'aller 15 jours à Fukushima puisque ce n'est pas dangereux? Ah, moi je suis d'accord. J'envisage de le faire. Vous êtes des criminels. Fin de citation. Moi j'y vais les yeux fermés. Bon, c'est... Monsieur, cher auditeur, ce que vous dites n'est pas raisonnable, n'est pas vrai, n'est pas sérieux. Et je laisse à professeur Vosges peut-être le soin d'apporter une réponse sérieuse à cette question. Non, votre... À cette interpellation. Voilà, enfin votre réponse contient totalement la teneur de mon propos. Moi, je voudrais revenir sur la première question qui nous a été posée, à laquelle nous n'avons pas répondu à ma connaissance, et qui portait sur Superphénix, n'est-ce pas? Alors Superphénix, eh bien, c'était la suite de Phénix, une expérimentation brillante menée sur de nouvelles générations de réacteurs producteurs d'électricité. Cette expérience a été arrêtée pour différentes raisons. Une première raison, c'est qu'on a rencontré des difficultés de construction imprévues qui ont renchéri l'affaire, mais aussi et surtout parce que cette filière engendrait du combustible plus qu'on y mettait. Malheureusement, ce combustible était un produit pour beaucoup qu'on regarde de travers, du plutonium. Et le plutonium, donc, c'est un matériau qui n'existe pas dans la nature, qui a été créé par l'homme et dont l'homme a tout de suite trouvé des applications malheureusement mortelles, hein, à la fois dans les armements, puisque ça permet de faire des bombes assez concentrées, etc. Donc cette machine produisait en sous-produit des éléments extrêmement préoccupants, dirons-nous. Et puis et surtout, elle recelait une quantité énorme de sodium, un matériau chimique banal, qui aurait, en cas d'effraction dont nous parlions tout à l'heure, pollué sévèrement. Alors, professeur, vous allez un peu trop vite parce qu'il aurait fallu expliquer d'abord les différentes générations de centrales nucléaires. Alors nous, on parle pour les EPR actuels de troisième génération, mais on m'a expliqué que c'était en fait plutôt une deuxième génération. Une deuxième génération et demie. Et donc, les centrales que nous avons, les centrales Westinghouse, modèle Westinghouse à eau pressurisée, ou General Electric, sont des centrales de deuxième génération. Oui. Alors, non, puisque le PR, c'est la troisième génération, la quatrième génération, ça serait le surrégénérateur que, par abréviation et en mauvais français, on appelle le surgénérateur, qui a cette particularité de régénérer le combustible qu'il produit. Alors je me tourne vers Jean-Michel Bellouf qui a écrit donc Nucléaire civil, le rebond, et nous partons de son livre pour notre discussion qui consiste à répondre à la question « La France doit-elle sortir du nucléaire ?» Dites-nous un peu comment se situe la quatrième génération actuellement avec Superphénix, qui était donc le prototype français de surrégénérateur. L'intérêt de la quatrième génération, c'est-à-dire des surgénérateurs, c'est qu'ils fonctionnent sans modérateur de neutrons et cela a pour effet de transformer l'uranium. Vous savez, bon, il y a deux isotopes d'uranium. Il y a l'uranium 235 qui est en quantité infime, moins de 1%, 0,7%, et qui, lui, est fissile et peut et permet la réaction en chaîne, et l'uranium 238 qui est inerte et qui ne sert à rien. Rappelons aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'il faut un modérateur, parce que ce qu'on veut, c'est que la réaction en chaîne se fasse lentement, parce que si elle se fait rapidement, c'est l'explosion. Donc, comme on ne veut pas faire du nucléaire militaire et du nucléaire civil, on veut que ça se fasse gentiment et que ça produise de la chaleur, et qu'avec la chaleur, on produise de l'électricité. Et alors, donc, dans le surgénérateur, donc, les neutrons, ce sont des neutrons rapides, car ils ne sont pas modérés. L'effet est de transformer l'uranium 238, qui ne sert à rien, d'abord en uranium 239, qui est instable et qui se transforme en plutonium. Et le plutonium, lui, est fissile. Et le résultat, c'est que le réacteur produit plus de combustible qu'il n'en consomme. Vous voyez, c'est un petit peu la multiplication des petits pains. C'est la, la, Comment, c'est le moteur perpétuel, c'est la machine On a changé d'éléments. Les propriétés nucléaires sont différentes entre ces éléments et on peut récupérer plus d'énergie en cassant ces nouveaux atomes que atomes précédents. On nous explique que le surrégénérateur produit plus de combustible qu'il n'en consomme. C'est magique. Plus de produits fissiles. Plus de matière fissile qu'on y a mis, parce que ce n'est pas la même matière, ce n'est pas la même nature. Oui, mais on peut ensuite réutiliser le produit comme combustible. C'était l'avantage de la filière, qu'on voyait à travers la filière. Donc la conséquence principale de la filière, c'est qu'effectivement, l'autonomie énergétique est illimitée. La planète aurait pour 100 000 ans ou 10 000 ans de combustible. Voilà. Voilà, vous multipliez par près de 100 la quantité seulement de combustible utile. Le candide que je suis, comme notre ami Nicolas Stocker, vous dira, oui d'accord, mais quand vous dites que la réaction de neutrons n'est pas modérée, on tremble un petit peu sur ses bases en se disant, si ça n'est pas modéré, c'est que ça va exploser. C'est pour ça qu'il faut des fluides de refroidissement qui ne peuvent pas être l'eau ordinaire. Et on a le sodium fondu, qui effectivement présente des risques qui ont été maîtrisés dans Superphénix, mais à quel prix on a évolué quels maintenant. Quels sont les risques que présente une centrale sur régénérateur, professeur Vosges? Y a un risque d'explosion? Est-ce que ça peut se transformer en bombe atomique? Dans le cas de la bombe atomique, comme je vous dis, on fera toujours une démarcation assez nette entre les effets physiques. Ça peut relarguer, ça peut chauffer au point, effectivement, de relarguer dans l'atmosphère des produits. Non, je ne parle pas de relargage, je parle d'explosion atomique. Le plutonium a une masse critique qui est inférieure à celle de l'uranium, c'est connu. Et donc, effectivement, il faut qu'en aucun point de la tubulure et du circuit ne se rassemble une quantité de cette matière. Oui, mais tous ces éléments ont été pris en compte dans la discussion serrée, nous le rappelons, qui a eu lieu juste avant l'interruption du donc programme. Donc on peut envisager qu'un petit défaut technique fasse que le plutonium produit se rassemble en quantité suffisante pour exploser. Ça supposerait, même chez en Union soviétique, une chose comme ça n'aurait pas été possible, c'est vous dire. Et pourtant, Dieu sait si en Union soviétique, on se moquait complètement de la vie humaine. Alors écoutez, Dès maintenant à la question posée par Nicolas Stocker, qui est celle du coût de l'assurance et du coût du risque. Vous expliquez très bien dans votre livre, Jean-Michel Bellouve, Nucléaire civil, le rebond, édité par Libermédia, que... On l'a dit dans la presse d'ailleurs à l'époque, que le tremblement de terre et le raz-de-marée en japonais tsunami qui a eu lieu au Japon étaient absolument sans précédent. Le tremblement de terre a atteint 9 sur l'échelle de Richter, on n'avait jamais vu ça au Japon. Et vous êtes allé interroger le professeur Vincent Courtillot, le grand savant, le membre de l'Académie des sciences, qui vous a dit, il faut réviser nos modèles géologiques. La connaissance. Tout ça pour vous dire que les calculs de probabilité ou les estimations de risque que vous faites sont conditionnés par des théories. Si ces théories sont ou des modèles, si ces théories sont fausses, les risques sont plus grands. Bien sûr, mais nous sommes tous tributaires de l'état de la science. Et si la science se trompe, nous en supportons les conséquences. Mais ça, ça n'est pas propre à l'atome ou au nucléaire. Dans tous les domaines, lorsque la science n'est pas parfaite, lorsque la science se trompe, il y a des dégâts. Bon, supposez par exemple que la science se soit trompée concernant... le CO2, et que le CO2 ne provoque pas... Le GIEC, oui. Bon, le GIEC s'est trompé, ça, j'en suis convaincu. Vous voyez les catastrophes économiques qui peuvent s'en suivre. Je vous dis ça parce qu'il est probable que nous aurons du nouveau dans quelques jours ou quelques semaines, et vous serez certainement amené à m'inviter à en parler. D'accord, mais pour l'instant, restons sur le nucléaire. Le professeur Vaux, je voudrais intervenir à nouveau. Pierre Laurent aussi, non? Sur les problèmes de du risque. Il y a la leçon de Tchernobyl qui est quand même il n'y a pas seulement la leçon de Tchernobyl. Il y a également toutes les autres leçons. En définitive, si l'on regarde le nombre de décès provoqués par les différentes sources d'énergie, c'est le charbon qui vient en tête. Et le nucléaire arrive en dernière position. On dit, si les pompiers de Tchernobyl n'avaient pas fait leur travail, l'Europe serait inhabitable. Deux bombes atomiques ont été lâchées sur le Japon, à Hiroshima et à Nagasaki. Par les Américains, rappelons les responsabilités. Peut-être. Sûrement par les Américains, je confirme. Non, mais les responsabilités, je crois que si les militaristes du Japon avaient été un tout petit peu moins entêtés, peut-être que les choses ne se seraient pas passées de la même manière. Toujours est-il que ces deux bombes atomiques ont été larguées, qu'elles ont explosé. Et aujourd'hui, vous visitez Hiroshima et Nagasaki, où il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous visitiez Hiroshima et Nagasaki en toute sécurité. C'est-à-dire que dire que les environs de Fukushima vont rester ad vitam aeternam dans cet état de... j'aimerais revenir sur l'état de Fukushima, des environs de Fukushima. C'est absurde de dire que ça va rester pollué, irradié, etc. Je suivais très attentivement ce qui se passait. À Fukushima, on n'avait pas les chiffres d'irradiation pour des raisons évidentes, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne pour mesurer d'une manière sensée les choses. Et les relevés étaient très distincts, différents, d'une zone à l'autre autour de Fukushima. Mais à Tokyo, il y avait une sorte de panique, surtout chez les Occidentaux d'ailleurs, qui disait les niveaux de radiation ont doublé. Et c'était publié en temps réel, effectivement, ils avaient doublé. Ils étaient passés de 1 ou 2 microsieverts au double, c'est-à-dire à 2 ou 4 microsieverts. Or, la radioactivité naturelle en Bretagne est de 5 microsieverts. Où était le danger ? Ne dites pas aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'il ne faut pas aller passer ses vacances en Bretagne. Ah, au contraire. Je crois que de la même manière que les bananes sont bonnes pour la santé et qu'il n'y a aucun risque à les manger, il faut relativiser la radioactivité. C'est quelque chose qui est très dangereux à très forte dose, mais qui est absolument bénin. Et nous recevons des doses d'irradiation assez importantes par le soleil, par la terre, par les radios que nous passons, par les bananes et les pommes de terre que nous mangeons. Et nous sommes tous irradiés. Professeur Vauge, confirmez-vous cette analyse. Il y a de la radiation partout, simplement. Vous savez, ça me fait penser d'ailleurs, je fais une comparaison qui, je crois, s'applique parfaitement à ce que dit toujours, dans nos émissions de Radio Courtoisie et ailleurs, le cher docteur Jean-Marie Bourg, le grand nutritionniste français, l'inventeur des oméga-3, qui rappelle ce principe de Paracelse, ce médecin d'avant la médecine, qui disait « c'est la dose qui fait le poison ». Tout est bon, tout est poison, c'est la dose qui fait le poison. Alors je ne sais pas si la radioactivité est bonne à faible dose, mais en tout cas, c'est la dose importante de radioactivité qui fait le poison. Absolument, vous m'avez retiré la citation de la bouche, je m'apprêtais à vous la rappeler. Est-ce vrai ? Mais tout à fait. Mais c'est exactement ce qu'il faut penser au sujet de ça. Parce que autour de ces affaires, ce sont des catastrophes, il y a des morts, nous les respectons infiniment. Mais il y a un effet d'amplification introduit par les médias, si vous voulez, qui consiste à monter en épingle... Les autres médias, pas Radio Courtoisie. Les autres médias, bien sûr. Qui consiste à, pour donner de l'ambiance à leurs nouvelles, à dramatiser et le ton et les chiffres. Mais dans la vie courante, effectivement, les choses sont beaucoup plus paisibles. En particulier, nous parlions de l'environnement. Alors, je ne tiens absolument pas, comme les autres intervenants, à faire baisser les cours de la banane ou de l'immobilier en Corrèze ou en Bretagne. Mais nous savons que dans ces régions, eh bien, il est recommandé, mais comme ça, comme une mesure, de bien aérer sa cave lorsqu'elle est construite dans une maison en granit. Ah, pourquoi ? Eh bien, parce qu'il se dégage de la désintégration de certains produits du granit un gaz très lourd qui s'appelle le radon. Ah, et qui s'accumule dans les parties basses de l'habitation. Avant que les savants, entre guillemets, bien sûr, ne s'en aperçoivent, tout le monde vivait de manière saine, etc., dans ces régions. Quelles sont les conséquences du radon ? C'est qu'il est radioactif ? Il est radioactif et donc il dégage des rayonnements alpha, bêta, gamma, etc. Et donc, il est, dans l'absolu, nuisible pour la santé. Si vous permettez, une petite anecdote personnelle. À un certain moment de ma vie, j'étais en poste à l'ambassade de France au Brésil, à Brasilia, au moment où notre bon pays faisait des expériences atomiques, nucléaires, dans l'atmosphère. Enfin, bref, évidemment, les pays du Pacifique, riverains du Pacifique, s'en étaient émus. Et j'étais en première ligne pour dire « mais non, ne vous inquiétez pas ». Le surcroît de radioactivité introduit par ces explosions n'est pas plus que si que ça. En particulier, une promenade, j'avais à l'époque, j'ai oublié les chiffres, vous me pardonnerez, une promenade le long des murailles de Cusco, hein, ou bien une baignade sur les plages du Kerala, en Inde, qui sont bourrées de thorium, matériaux radioactifs, n'entraînent Cusco pas ou de plus. Machu Picchu. Non, j'avais pris Cusco parce qu'il y a des accumulations de pierres en quantité énorme qui dégagent des rayonnements. Et donc, surtout, l'exemple qui m'avait été communiqué par le commissariat à l'énergie atomique, c'était celui des plages du Kerala, en Inde, qui sont bourrées de thorium, sur lesquelles tout le monde gambade, tout le monde se baigne, et on ne note pas plus de cancer ou de maladie ou de leucémie ou de choses comme ça que dans la population ambiante. Alors, thorium, ça me rappelle que nous n'avons pas répondu à la question sur le thorium. Répondez rapidement. C'était ma deuxième question en réponse à un auditeur. Effectivement, les filières au thorium font partie... Le thorium qui est un corps pur comme l'uranium. Qui est un élément chimique. Voilà. Donc, cela fait partie, comme en a fait partie Superphénix, des recherches qui sont menées pour améliorer les filières actuelles basées sur de l'uranium enrichi, etc. Et la science nucléaire industrielle est une science en marche. Actuellement, nous vivons, après avoir expérimenté en France une filière uranium naturel, graphite gaz, nous sommes passés à de l'uranium enrichi, modéré, enfin par de l'eau sous pression, etc. Mais ce n'est pas, à mon avis, la dernière étape de l'affaire. Il y aura, et il en sort, je dirais pas tous les jours, mais très fréquemment, des propositions de nouvelles réactions nucléaires permettant de dégager de l'énergie à des fins industrielles. L'avantage qu'auraient des réacteurs au thorium, des réacteurs de quatrième génération, des surgénérateurs au thorium, c'est de ne pas produire de plutonium. Hein, ils produisent de l'uranium 233 qui est fissile. Jean-Michel Belloubre, oui. Vous parlez dans votre livre Nucléaire civil de rebond, édition Libermédia, du surrégénérateur. Vous rappelez que Superphénix, le surrégénérateur français, a été arrêté. Oui, il a été arrêté. Phénix a été arrêté aussi parce que le premier s'appelait Phénix, non pas Superphénix. Il a été arrêté par suite d'un... Mais il y en a qui fonctionnent à l'étranger, en Russie particulier. Bien sûr. Et que devient l'évolution de ces recherches de quatrième génération? Bon, écoutez, donc nous avons arrêté donc Superphénix à suite d'un accord. Non, mais ça, on sait, bon, mais ailleurs dans le monde. Bon. Alors, en Russie, en Russie, il y a un surgénérateur qui fonctionne depuis 1983, hein, c'est-à-dire depuis pas mal de temps. 28 ans. Hein, et qui n'utilise pas le sodium, lui, mais qui utilise un mélange plomb-bismuth pour refroidir comme fluide galloporteur, ce qui présente moins d'inconvénients que le sodium que nous utilisions. Hein. Et puis, ils sont en train de construire un deuxième surgénérateur qui devrait commencer à produire en 2015. Donc, ils ont beaucoup d'avance maintenant sur nous. Et les Indiens s'attaquent, eux, à la construction d'un surgénérateur qui utilisera le thorium, ce qui est une voie nouvelle, et, mon Dieu, qui pourrait leur rapporter des bénéfices importants. Donc, nous avons répondu à la question de l'auditeur sur le thorium et sur le surgénérateur. Répondons à la question de Nicolas Stocker sur la question du coût dû à la sûreté. Oui, pardon, professeur Vosges. Non, parce que je voudrais que... C'est quand même, parce qu'en dehors de ces questions qualitatives qui peuvent tourner à la guerre de religion, il y a une question en fait fondamentale et économique qui est quel est le coût du nucléaire? Et vous, à un moment donné, dans votre livre « Nucléaire civil de rebond », vous dites quand même que quand on introduit tous les coûts de sûreté particulièrement important de la nouvelle centrale EPR, on arrive en fait à des prix du kilowattheure qui ne sont plus compétitifs par rapport à la production de kilowattheure par le gaz. Oui, mais il y a un véritable problème EPR. Si vous vous rappelez bien, dans le livre, je compare l'EPR au Concorde. J'incrimine directement la responsabilité du gouvernement de notre État, puisque c'est lui qui a pris des décisions, qui a obligé Areva à faire des choix techniques qui s'avèrent excessivement coûteux. On a voulu battre le record du monde de la sûreté. Mais êtes-vous sûr que c'est le gouvernement qui est coupable? Moi, je crois, vous savez, que ce sont les ingénieurs d'Areva qui sont à l'origine de ces excès. Attendez, comme ce sont les ingénieurs Vous avez vu dans mon livre une séance où 9 ministres assemblés pour prendre des décisions stratégiques d'entreprise. Jean-Michel Bellou, je sais bien, mais honnêtement, je n'ai pas été convaincu parce que, en fait... je connais un peu l'administration et la séance dont vous parlez où les ministres réunis en comité interministériel ont pris des décisions, figurez-vous qu'elle est préparée pendant des mois par des dizaines et des dizaines de réunions et d'études et en fait ce n'est simplement que la conclusion un peu solennelle de ce qui a été préparé en amont. Et ça se passe dans toutes les grandes organisations de la même manière. À un moment donné, il faut effectivement que les chefs décident et signent, etc. Voilà. Dans une grande entreprise privée, vous avez un conseil d'administration qui ratifie ce qui a été préparé avant. J'ai fait une enquête, j'ai rencontré les protagonistes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'Areva, on a demandé aux ingénieurs d'Areva de ne pas innover en ce qui concerne le cœur nucléaire et le cœur conventionnel. Jean-Michel Bellou, dans le cas particulier, c'est peut-être vrai, mais sachez que pendant au moins 5 ans, je me suis occupé de la question à la direction du budget au ministère des Finances. J'ai donc suivi vraiment dans le détail le processus administratif et je peux vous garantir que certes, il y a eu des décisions politiques qu'on peut contester, notamment Giscard d'Estaing a systématiquement pris le haut de la fourchette en matière de programme nucléaire. Donc effectivement, le choix politique a été important. Mais au départ... C'est bien la technostructure des ingénieurs des mines, enfin des ingénieurs en général d'ailleurs, de l'EDF et du CEA, qui ont préparé et poussé un dossier qui était celui du programme nucléaire. Donc, Je n'invente rien. Je ne peux que vous répercuter ce que l'on m'a dit chez Areva. Areva s'est fait imposer par la DRIR un choix technologique que les ingénieurs n'auraient peut-être pas fait. Voilà. Professeur Rouge. Pour répondre précisément à l'interrogation de Nicolas Stocker, on peut effectivement discuter sur le contenu d'un coût réel du kilowattheure produit par une filière électronucléaire. Mais je crois que effectivement la moindre des précautions, c'est d'incorporer le coût de construction, les coûts de fonctionnement et les coûts de démantèlement, parce que tout ceci contribue... Et de retraitement des déchets. Et de retraitement des déchets. Alors, où doit-on s'arrêter? Parce qu'il y a le coût des études, enfin, c'est le problème éternel dès qu'on cherche à faire une analyse de la valeur un peu précise. Mais toute évaluation d'un coût de kilowattheure qui ne prendrait pas en compte ces éléments, pas uniquement du fonctionnement, mais aussi tout ce qui vient avant, tout ce qui vient après, serait nul et non avenu. Et il est clair, évidemment, que cela ne peut que renchérir le coût de fonctionnement actuel. Si on ne prend que le prix de vente des kilowattheures et le prix d'achat de la matière fissile, des traitements des personnels, etc., on arrivera à quelque chose de beaucoup plus faible. Nous étions autrefois, quand j'ai en tant que fonctionnaire planché sur le sujet, dans les années 70, nous étions autrefois dans une situation où le prix de revient du kilowattheure était 2 fois moins cher en production de base. Pas en production de pointe, lorsqu'il était d'origine nucléaire que lorsqu'il était d'origine thermique classique. Bon, c'est-à-dire charbon ou pétrole ou gaz naturel. Bon. Depuis, en ce qui concerne le gaz naturel, il y a eu des problèmes absolument considérables. Bon, et depuis on a également découvert l'exploitation, la possibilité d'exploiter les gaz de schiste. Et donc les réserves de gaz naturel semblent être triplées ou quadruplées. Bien. Et la sécurité... que l'on impose maintenant aux centrales nucléaires impose de telles normes et de telles précautions qui sont décrites dans le livre de Jean-Michel Bellouve, Nucléaire civil de rebond, que le coût du kilowattheure produit par les centrales nucléaires risque de s'envoler. Donc moi j'ai tendance à dire que à la question la France peut-elle sortir du nucléaire, il ne faut pas répondre de manière simpliste par oui ou par non, il faut dire... Si le nucléaire n'est pas rentable, il ne faut pas continuer à développer le nucléaire. Voilà, c'est une question de compétitivité. Je voudrais répondre là, parce qu'il y a plusieurs cas. Moi, j'ai cité le cas de l'EPR, où effectivement, on peut tirer la sonnette d'alarme, car ce type de centrale revient trop cher et n'est plus compétitif, même par rapport au gaz et au charbon. Par contre, il y a d'autres réacteurs dans le monde qui sont beaucoup moins coûteux et qui, eux, restent tout à fait compétitifs. Alors, ça dépend des pays. Par exemple, aux États-Unis, où le gaz est devenu très bon marché, eh bien, on ne construit plus beaucoup de centrales nucléaires. On mise sur le gaz. Alors, je dois dire à ce propos que s'il y a vraiment un cas où, de décision politique absolument scandaleux qui vient de se produire, c'est celui par lequel le gouvernement et surtout le Parlement, d'ailleurs, ont décidé d'interdire la prospection, je ne dis pas l'exploitation, la prospection du gaz de schiste. Les progrès techniques qui ont été accomplis dans les 4 ou 5 dernières années, c'est tout récent, aux États-Unis d'Amérique, font que maintenant on peut exploiter un gaz qui est dissous dans le schiste, qu'on ne pouvait pas exploiter, on ne pouvait exploiter jusqu'à présent que le gaz naturel qui était dans les poches. Ces progrès techniques, ce sont le forage vertical, le forage horizontal qui complète le forage vertical, le forage horizontal, et la fracturation des roches, la fracturation hydraulique des roches, qui permettent. Et les États-Unis sont devenus le premier producteur de gaz naturel grâce à ces techniques. Ça pose des problèmes d'environnement, et je veux bien que l'on fasse des études pour voir et pour s'assurer qu'il n'y aura pas de dégâts irréversibles causés à l'environnement, mais que l'on interdise la simple prospection de ce gaz naturel, c'est-à-dire qu'on interdise à la France de savoir si oui ou non elle a des réserves considérables de gaz de schiste qui pourraient lui permettre, le cas échéant, de faire la nique au Proche-Orient. Là, je dois dire que c'est scandaleux, irresponsable et inacceptable. C'est là qu'on voit la manière dont on nous gouverne. C'est un péché contre l'esprit. Alors, est-ce qu'on a affaire à des imbéciles ou à des malhonnêtes? Bon, comme je ne pense pas que ce sont des imbéciles. vous nous amenez vers la conclusion. Oui. Je pense qu'il s'agit tout simplement d'une application de ce principe de précaution que je trouve personnellement, ça n'engage que moi, tout à fait calamiteux. Parce que s'il n'y avait pas, dans le secret des laboratoires, des petites expériences qui se font pour voir, eh bien, la science n'aurait, et la connaissance humaine en général n'auraient jamais avancé. Et donc là, par précaution, on a peut-être tué dans l'œuf une technologie qui aurait pu nous donner des décennies, de sursis. Merci d'avoir évité l'amende. Vous savez, quand on dit des cas de décennies, on commet un anglicisme, on doit mettre une pièce dans le cochon de Radio Courtoisie. J'ai vu le cochon. Donc, je vais demander maintenant à Catherine de nous lire les messages des auditeurs. Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Radio Courtoisie, l'émission, le journal d'Aurélie Lesquin qui reçoit en première partie d'émission pour tenter de répondre à la question. Doit-elle sortir du nucléaire ? Messieurs Jean-Michel Bellouf, journaliste écrivain, Pierre Lorrain, journaliste, Nicolas Stocker, président du RPF Rassemblement pour la France, Christian Vauge, professeur des universités, directeur des études du RPF. Et nous parlons nous nous appuyons sur le livre de Jean-Michel Bellouf, édité par Liber Média, avec une préface d'Henri Lepage dans la collection Institut Turgot, qui s'appelle « Nucléaire civil, le rebond ». Point d'exclamation. Un auditeur, un des professeurs qui intervient, a commencé à expliquer le caractère spécifique des catastrophes nucléaires. Il serait intéressant d'en savoir un peu plus. Un auditeur, ayant visité récemment le chantier de Tchernobyl, je vous confirme que le second sarcophage supposé recouvrir le premier qui est percé n'est pas commencé après 2 ans de chantier. Une auditrice, vous ne parlez pas du plutonium et de la façon de traiter les déchets. Un auditeur, la radioactivité nocive par contamination, l'irradiation naturelle, CF la Bretagne, ne pas faire d'amalgame entre irradiation et contamination. Veuillez, messieurs, expliquer honnêtement la différence aux auditeurs. Une auditrice. En 95, j'ai été opérée d'un cancer foudroyant. Le chirurgien m'a fait savoir qu'une forme évolutive rapide venait des irradiations de Tchernobyl, que cette rapidité foudroyante était pour lui très caractéristique. Un auditeur, les Russes ont construit un équivalent de Superphénix en Chine et il y en a 24 autres en chantier. Un auditeur, combien de morts statistiquement dues au premier test français à l'air libre de bombes atomiques françaises en français, il vaut mieux dire expérience que test. Test est un mot anglais. Un auditeur, la revue mensuelle National Geographic de mars 2010 a rédigé un article sur des mini-centrales souterraines qui seraient moins coûteuses. Une auditrice. Aurait-on besoin du nucléaire si les ménagères n'utilisaient pas autant d'appareils ménagers? C'est la faute des dames. Voilà. Des ménagères de 50 ans, de moins de 50 ans. Professeur Vosges. Oui, je voudrais répondre à une question là, posée par un des auditeurs, une auditrice peut-être, sur la différence entre irradiation et contamination. L'irradiation, comme son nom l'indique, c'est dû, c'est les conséquences de l'exposition à des rayonnements. Et la contamination, c'est induit, enfin, c'est lorsque l'on absorbe son corps, soit par la respiration, soit par le contact, etc. Incorpore des éléments radioactifs. Donc, voilà la différence entre les deux. Hein. Je voudrais, pour ne pas manquer complètement, une partie que je souhaitais vous dire. Pourquoi il nous reste quelques minutes, alors, à l'essentiel. Non, mais pourquoi a-t-on réellement besoin de toute cette électricité? Voilà la question qu'il faut se poser. Parce que... Pour nous éclairer, par exemple, dans ce studio, nous éclairons. Oui, oui, et ensuite, sûr. Pour écouter la radio. Je bien sûr, bien la sûr. La radio, c'est de l'électricité. Mais c'est ce que j'appelle les applications spécifiques de l'électricité, pour lesquelles l'électricité est irremplaçable. Mais quand vous voyez, par exemple, qu'on continue, à un moment où il y a eu un Grenelle de l'environnement, etc., à construire du neuf, des bâtiments neufs, avec un chauffage électrique par effet joule, enfin par radiateur, si vous voulez, qui est une application thermodynamique aberrante de l'électricité. Alors que, s'agissant de faire de l'air tiède dans un volume raisonnable de quelques dizaines de mètres cubes, on dispose de sources de chaleur gratuites. Je pense à de la chaleur solaire, je pense à de la captation. Mais oui, mais, c'est mais une grande partie... Question, une question de calcul économique, là. Hein, bon. Le solaire est gratuit, sauf qu'il faut 60 ans pour l'amortir, 19 ans pour le particulier, parlez... et le reste pour la collectivité. Je termine mon raisonnement. Vous parlez d'une technologie qui est dans l'enfance, en particulier avec des équipements, je pense à la pompe à chaleur, qui sont d'un coût qui n'a strictement rien à voir avec la vraie valeur du composant et qu'il s'agirait d'atteindre cette vraie valeur par des procédés industriels beaucoup plus efficaces que ceux que l'on a maintenant. Mais puisqu'il faut, je crois, sous la pression de la Vox Populi, il faudra quand même s'éloigner quelque peu du nucléaire ou au moins se poser la question. Mais pourquoi ? C'est le thème de notre discussion. C'est la question posée. Absolument. Donc, si l'on s'en éloigne, il faut se demander ce que je posais d'abord. A-t-on réellement besoin de toute cette électricité? Et si non, par quoi peut-on la remplacer? On s'aperçoit que l'électricité a tiré notre développement depuis les débuts de l'électronucléaire. Il faut tirer son chapeau. Mais est-ce que c'est une raison emporté par notre élan pour continuer. Professeur Bourges, professeur. Jean-Michel Bellou, j'ai une question à poser. Vous allez vous-même répondre à la question. Oui. Faut-il sortir du nucléaire? Mais je voudrais que le professeur Vosges me dise si j'ai bien compris. Donc, pour vous, professeur Vosges, puisque l'opinion publique évolue dans un sens défavorable au nucléaire, il faut suivre l'opinion du public. Et il faut petit à petit s'affranchir du nucléaire et vous proposer. Mais qu'est-ce qu'on sait de l'opinion publique ? Des actions qu'on appelle d'économie d'énergie, ou d'économie d'électricité en l'occurrence, pour aller dans ce sens. Alors je passe la parole à Jean-Michel Bellou, auteur de Nucléaire civil de rebond, qui évidemment n'a pas tout à fait la même conclusion que vous. Oui, non, mais qu'est-ce que c'est que l'opinion publique ? C'est ce qu'on voit à la télévision, c'est ce qu'on lit dans les journaux. Bon, moi j'ai fait un micro-trottoir l'autre jour dans la commune de Civaux, j'ai interrogé 30 personnes au hasard, et. Toutes m'ont répondu, mais notre centrale, nous y tenons. Pour nous, c'est un pactole. Et nous n'avons pas peur, nous avons confiance. Alors il faudrait la connaître, l'opinion publique, avant d'en parler. Nicolas Stocker, sur l'opinion du public, que pensez-vous de cet argument de la Vox Populi ? Argument ambigu de notre ami le professeur Vosges. La Vox Populi, est-ce que c'est la démocratie ou simplement les sondages ou l'action des médias sur l'opinion de... du public. Non, mais Christian Vosges, comme directeur des études du RPF, se doit de se poser cette question parce que nous sommes là en tant que parti politique pour essayer de répondre à une offre politique. Ce que je voudrais dire sur le sujet, c'est parler du traitement médiatique du nucléaire. C'est obsessionnel en France, d'ailleurs, depuis. C'est lié à l'écologie. C'est la problématique écologique. Nous avons des adversaires dans le monde entier, dont Greenpeace, qui n'ont de cesse de nous pourchasser. On nous a fait l'histoire du Rainbow Warrior. On en veut pas en particulier à l'indépendance énergétique française, donc tous les moyens sont bons. De toute façon, je pense que les écolos qui ne s'intéressent en général pas aux questions justement écologiques, la seule question qui les obsède, c'est le nucléaire, avec le mariage gay. Je crois que c'est à peu près les deux seules questions. Le mariage homosexuel en français. Qu'Eva Joly daigne aborder dans les médias. Donc ça, alors là, je rejoins totalement Jean-Michel Bellouvet sur le sujet. Bellouvet, pardon. Il y a vraiment un traitement obsessionnel, caricatural, mais ceci dit, en effet, il faut se poser la question, merci. Peut-être faut-il évoluer. Vous me donnez une conclusion pour cette émission, puisqu'il nous reste, pour cette partie de notre libre journal, cette première partie, puisqu'il nous reste une minute, c'est de dire du mal des écologistes, car j'en pense beaucoup, car les écologistes nous disent qu'il faut lutter contre les gaz, contre le gaz naturel, ils veulent d'ailleurs nous empêcher de le prospecter. Le charbon et le fuel ou le pétrole qui produisent du gaz carbonique, CO2, mais ils sont en même temps opposés aux centrales nucléaires qui sont justement un moyen de fabriquer de l'électricité sans aucune ou quasiment aucune production de gaz carbonique. Donc si on les écoutait, nous serions ramenés rapidement à l'âge de pierre et il faudrait s'éclairer avec des bougies. Et encore, les bougies me paraissent suspectes parce qu'elles dégagent du gaz carbonique en brûlant. CO2, voilà. D'ailleurs, je me demande si les écologistes ont raison de respirer, car en respirant, ils dégagent du gaz carbonique. Et peut-être que si les écologistes m'écoutent et qu'ils vont jusqu'au bout de leurs convictions, eh bien, nous serons débarrassés d'eux rapidement parce qu'ils vont immédiatement s'arrêter de respirer pour ne pas cesser de continuer à produire du gaz carbonique. J'ajouterais qu'ils ont ajouté à écologie Europe, Europe écologie. On n'a pas parlé de la dérégulation du marché de l'énergie au niveau européen dans cette émission. On aurait aussi pu le faire, c'est-à-dire qu'ils sont contre le nucléaire, mais ils ouvrent grand les portes, justement, de la dérégulation, ou alors que sur le plan du nucléaire, il faut de la sécurité. La déréglementation en français, et vous avez d'ailleurs dans le livre de Jean-Michel Bellou, Nucléaire civil, le rebond, un chapitre sur le sujet. Donc on trouve tout à la Samaritaine, feu la Samaritaine. Aujourd'hui, on trouve tout chez Jean-Michel Bellou, Nucléaire civil, le rebond, Libermédia. Merci Jean-Michel Bellouve, merci. Vous restez avec nous pour la seconde partie. Merci professeur Vauge, vous restez aussi, je crois, pour la seconde partie. Merci Pierre Lorrain de votre contribution à cette analyse du nucléaire et de ses risques. Si vous permettez, je resterai aussi. Avec grand plaisir.